5. La visite m'avait épuisé nerveusement et j'ai éprouvé le besoin de m'allonger. Les volets tirés installaient une pénombre pesante. Quant au ventilateur, qui faisait autant de bruit qu'un hélicoptère Apache, il réussissait à maintenir une température acceptable. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes idées et mes sentiments, sans autre résultat que d'aggraver le chaos qui y régnait. Je suis passé dans le cabinet de toilette pour me rafraîchir. Les robinets du cuivre dataient de la guerre civile. La serviette était rêche mais immaculée. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Gary regagnant son mobile home. Ne se sachant pas observé, il avait cessé de se cambrer fièrement. La voussure de son dos trahissait l'âge et la fatigue. Prenant mon courage à deux mains, j'ai sorti l'appareil photo que j'utilise pour établir un premier relevé des lieux à rénover. Je me sentais nerveuse et peu inspirée. Je suis redescendue au rez-de-chaussée pour entamer à tête reposée le parcours complet des différentes pièces. Dans la grande salle, la bibliothèque était à conserver dans son jus. La prodigieuse accumulation des livres aux couleurs criardes créait un patchwork qui tempérait la tristesse ambiante. Il en allait de même pour les vitraux. En m'approchant des rayonnages, j'ai noté que les romans reposaient en couches régulières, à l'abri de vitrines cadenassées qui les rendaient inaccessibles. Cela m'a fait penser à ces reliques pieusement conservées dans des châsses hermétiques. Gary, d'une écriture maladroite, avait scotché un avertissement sur l'un des panneaux vitrés. Livre ancien, susceptible de s'effriter, ne pas toucher. C'était plus prudent, en effet. En espérant toutefois que le taret, cet insecte bouffeur de papier, n'ait pas déjà transformé ces centaines de milliers de pages en gruyère. Bon sang! On se serait cru dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, à se demander comment le plancher ne cédait pas sous un tel poids. Benjamin Lofton a choisi ce moment pour se matérialiser. Il avait fait un jogging autour du lac, en dépit de l'atroce chaleur, et s'en revenait le t-shirt dégoulinant de sueur. « Alors, a-t-il lancé, vous en pensez quoi? C'est jouable ?» Je l'ai rassuré. Oui, c'était jouable, à condition que les termites n'aient pas bouffé la charpente. En 3 semaines, on pouvait effectivement faire de cette ruine apparente un joli castel qui donnerait le change. « Pas besoin de bâtir pour l'éternité, a-t-il lancé. Du moment que ça en met momentanément plein la vue à l'huissier dépêché par les avocats. Bon, on boit un coup? Il y a des jus de fruits dans le frigo et j'ai apporté de la vodka. » J'ai décliné. Il l'a mal pris, mais je m'en foutais. Je le voyais venir avec ses bottes de 7 lieues. S'il s'imaginait que l'odeur de sa sueur m'excitait, pour me donner l'impression d'être efficace, j'ai mitraillé la bâtisse sous tous les angles jusqu'à ce que ma carte mémoire soit saturée. J'ai pris mon temps pour donner à Lofton celui de disparaître. Quand je suis revenu à mon point de départ, il n'était plus là. N'ayant pas grand faim, je me suis confectionné un sandwich. Puis j'ai fait un plein pot de café noir car je prévoyais une longue nuit. Le crépuscule tombait, de rares lumières brillaient sur la berge, prouvant que l'endroit était malgré tout encore habité. En jetant un dernier coup d'œil par la fenêtre, j'ai aperçu un gros type, de l'autre côté de la grille. La 60aine, les cheveux gris et ras, l'air pas commode, vêtu d'un treillis de GI décoloré. Il regardait dans ma direction comme s'il cherchait à capter mon attention. Soudain, il a agité la main, style « je viens en paix ». Il avait une mâchoire lourde de grands carnassiers et des valises sous les yeux. Quelque chose dans son maintien m'a fait penser qu'il pouvait s'agir d'un ancien militaire ou d'un flic à la retraite. Une certaine façon d'occuper l'espace et de se préparer à l'affrontement, dans cette posture que les karatékas nomment le cavalier de fer. Puis il s'est détourné pour longer la rive et l'obscurité l'a avalé. J'ai eu la conviction bizarre qu'il s'agissait d'une prise de contact. Mais dans quel but? Il n'avait nullement l'air d'un geek ou d'un nerd. Trop vieux pour ça. Alors que je me retournais, je me suis heurté à une ombre plantée derrière moi, immobile. La surprise m'a arraché un cri. Le cri s'est transformé en juron lorsque j'ai identifié Benjamin Lofson. J'allais me répandre en insultes diverses et variées quand j'ai remarqué un changement notable dans son attitude. Il avait cessé de rouler des mécaniques et pour la première fois, son vernis de Golden Boy s'écaillait. J'aurais dû m'en rendre compte dès notre entrée dans la maison, lorsqu'il avait commencé à sursauter au moindre craquement et à regarder trop souvent par-dessus son épaule. J'avais fugitivement eu l'impression qu'il ne se sentait pas en sécurité, et il m'avait fait penser à ces coyotes écumeurs de poubelle qui, poursuivis par des tortionnaires en herbe, se retrouvent acculés au fond d'une impasse. J'avais eu tort de ne pas y accorder plus d'importance. J'avais loupé quelque chose. Mon regard a dû trahir mes pensées, car il y a répondu avec une grimace de sale gosse. « Merde » a-t-il murmuré comme s'il craignait d'être entendu. « Si vous voulez tout savoir, je déteste cette baraque. Et, pourquoi le cacher, j'abobine encore plus Sawana Warlock et les saloperies qu'elle écrivait. À vous écouter, ai-je souligné, j'avais pourtant l'impression que vous ne la connaissiez pas. Il a secoué la tête avec agacement et, s'approchant du bar, a saisi un flacon de Southern Comfort pour s'en octroyer une maxi-dose. « Bon, » admit-il, « j'ai frimé. Je n'aime pas l'avouer, mais cette bonne femme me foutait une trouille bleue quand j'étais gosse. C'était une vraie sorcière, plus moche que la couille gauche de Satan. Je ne piche pas, ai-je objecté. J'ai vu sa photo dans le dossier. Elle m'a paru plutôt sexy, dans le genre gothique, Cruella ou Comtesse Bathory. La reine des vampires en lingerie noire Victoria's Secret. Ben Lofson a émis un grognement amer. Ne soyez pas naïve, a-t-il ricané. Cette photo, c'est du pipeau, une arnaque de la com. C'est mon père qui a eu l'idée d'avoir recours à un mannequin pour les opérations de promotion. La vraie Sawana était trop rébarbative. Sa gueule imprimée au dos des bouquins aurait fait fuir le lecteur. De toute manière, elle ne tenait pas à ce qu'on la reconnaisse. Elle préférait l'anonymat. C'est pour ça qu'on utilisait sa doublure lors des séances de dédicaces dans les librairies ou les passages à la télé. Une doublure? Vraiment? Ouais, elle s'appelait Jodie Fredericks. C'était une sacrée bombe. J'en étais raide dingue quand j'avais 11 ans. Elle l'embaumait et portait des jupes ultra courtes. Elle m'embrassait toujours sur le front en me répétant que j'étais le sosie de John Kennedy. Elle a posé pour tous les dossiers de presse et comme elle détestait lire, on lui préparait des fiches résumant les bouquins de Sawana afin qu'elle puisse répondre aux questions des journalistes. Elle s'en tirait remarquablement bien. Les mecs étaient sous le charme, la bave aux lèvres. Et ça ne dérangeait pas Sawana de se faire ainsi voler la vedette? Non, elle tenait à rester dans l'ombre. Mon père disait qu'elle souffrait du syndrome d'Asperger. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'elle se cachait de quelque chose ou de quelqu'un. Si bien qu'on n'a jamais eu le moindre portrait d'elle dans nos archives. Elle était vraiment laide? Non, laide n'est pas le terme qui convient. Disons plutôt qu'elle avait une physionomie désagréable, inquiétante. Une certaine fixité dans le regard, un peu comme les bêtes fauves qui se préparent à l'attaque. Elle grinçait des dents en permanence et avait des tics nerveux. De la main gauche surtout, comme si elle griffait quelqu'un. Vous voyez? Gosse, ça me terrifiait. J'avais l'impression qu'elle mourait d'envie de m'arracher les yeux et qu'elle se retenait à grand-peine. Elle s'habillait strictement, style nurse anglaise, boutonnée jusqu'au menton, rigide, ne souriant jamais. En fait, quand j'y pense, c'était une personne très banale à première vue. la nana sur laquelle le regard glisse sans s'arrêter, anonyme, invisible. On ne prenait conscience de son étrangeté qu'en l'observant de près. Mon père avait peur d'elle. Peur ? Ouais. Quand elle nous rendait visite à la boîte, il était dans ses petits souliers. Sans déconner, je l'ai vu, un jour qu'elle allait débarquer, ôter soigneusement de son bureau tous les objets pointus ou tranchants qui s'y trouvaient. Coupe-papier, ciseaux, cutter. Elle avait la réputation de péter les plombs de façon imprévisible, pour des riens. Dès qu'elle émergeait de l'ascenseur, les employés rasaient les murs, regardaient ailleurs. Beaucoup en profitaient pour se rappeler que c'était l'heure de leur pause syndicale et se débinaient ventre à terre à la cafétéria. Le mot d'ordre était « tous aux abris ». Et pourtant vous étiez là, vous, un gosse. Pas de mon plein gré, croyez-moi. Mais mon paternel se disait que la présence d'un enfant pouvait exercer une influence bénéfique sur Sawana, qu'elle se dominerait et n'oserait pas s'abandonner à ses débordements sous les yeux d'un môme. Je suis persuadée qu'il se foutait le doigt dans l'œil. Il est évident que, bien au contraire, me savoir là, dans son dos, exaspérait Sawana au plus haut point. Elle avait horreur des témoins. Vous aviez quoi ? 10 ans ? À cet âge-là, on se laisse emporter par son imagination. Vous ne pensez pas avoir inventé tout ça ? Benjamin s'est passé nerveusement la main dans les cheveux. Son malaise le rendait plus sympathique. Il a avalé un nouveau shot d'eau-de-vie de pêche. « Je vais vous dire un truc », a-t-il repris d'une voix sifflante. Chaque fois que Sawana se pointait chez nous, mon père me serinait la même recommandation. Si elle t'offre un bonbon, ne le mange surtout pas. Fais semblant de le glisser dans ta bouche, mais cache-le au creux de ta main. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Sans déconner, il craignait qu'elle vous empoisonne ? Je lui ai posé la question, plus tard. Il m'a dit, c'était une droguée. Elle avait les poches pleines de pilules et de cachets. Du LSD sur des bouts de buvard, toutes ces saloperies. J'avais peur qu'elle les confonde avec des bonbons et ne t'en fasse avaler par mégarde. Ça tient la route. Mouais. Sauf qu'il avait sa tête de menteur quand il m'a sorti ça. La même expression que lorsqu'il expliquait à ma mère qu'il ne rentrerait pas dîner à cause d'une réunion de travail. Il la trompait. Oui, avec Josie Fredericks, la doublure de Sawana. Elle lui avait mis le grappin dessus. Bon sang, ce que j'ai pu être jaloux. Il cachait des photos d'elle, nues, dans son coffre-fort. Je suis tombée dessus par hasard, il y a 5 ans. Il la fréquente toujours ? Bien sûr que non. Elle a disparu un beau jour sans laisser d'explication. Disparu ? Rayée de la carte. Carrément. À croire qu'elle bénéficie du programme de protection des témoins ou qu'elle a été enlevée par des extraterrestres qui pratiquent sur elle des expériences sexuelles. Mon vieux a remué ciel et terre pour la retrouver. Détective et tout le tremblement. Résultat nul. Il ne s'en est jamais remis. C'était le grand amour de sa vie. C'est à partir de cette date qu'on a ôté sa photo de la jaquette des bouquins de Sawana et qu'on a arrêté les séances de dédicaces, les interviews. De toute manière, les ventes chutaient et les textes devenaient incohérents. Je vais vous avouer un truc. J'ai longtemps eu dans l'idée que Sawana avait assassiné Josie. Et pour quelle raison ? Jalousie féminine. Je me dis que Sawana était peut-être amoureuse de mon père. Ce sont des choses qui arrivent, une espèce de transfert, comme ces patientes qui finissent par s'amouracher de leur psychanalyste. J'ai souvent vu des romancières se traîner aux genoux de mon paternel. Il ne se gênait pas pour les sauter, le vieux satyre. Possible que Sawana et Josie se soient crêpés le chignon et que l'affrontement se soit terminé en mort accidentelle. Vous savez... On jette un cendrier au visage de son adversaire et tout bascule en une fraction de seconde. Crâne enfoncé, etc. Je me suis versé à mon tour un fond de verre de Southern Comfort pour me donner le temps de réfléchir. Était-il réellement souhaitable de continuer à creuser dans cette direction? Je n'étais pas là pour enquêter sur le mystère Sawana Warlock. Pourquoi mettre les pieds dans ce marécage de rumeurs et de légendes invérifiables? Si je résume, ai-je soupiré, Sawana était pour vous quelqu'un de dangereux? Oui, et je me souviens avec exactitude du jour où j'en ai eu la conviction. C'était un soir sur la terrasse de notre immeuble. Mon père avait organisé un cocktail pour fêter les 30 ans de la boîte. Il n'avait pas pu faire autrement qu'inviter Sawana. Et contre toute attente, elle était venue. Elle avait passé le contrôle à l'aide d'un carton d'invitation non nominatif. Elle était habillée en gris souris, un accoutrement de passe-muraille, et personne ne lui prêtait attention. Elle s'est plantée dans un coin, observant les invités avec ses petits yeux de vautour. Elle a gardé le même verre à la main pendant toute la soirée sans y tremper les lèvres. On aurait dit une statue. Je me rappelle qu'elle parlait toute seule, à voix basse. Pendant ce temps, mon père faisait le malin avec Josie qui accaparait l'attention des mâles avec un décolleté lui dévoilant les 3/4 des nichons. Cette conne jouait les voyantes pour épater la galerie. Elle s'était mise à lire les lignes de la main, à lancer des prédictions. Comme tout le monde était bourré, ça ne portait pas à conséquence. Vous savez comment se déroule un cocktail, non? Dès l'ouverture du bar, chacun s'empresse d'avaler 4 ou 5 whisky coup sur coup, histoire de se mettre en train. Ensuite, ça dérape gentiment jusqu'à l'extinction des feux. Grosse blague et main au cul, en veux-tu, en voilà. À un moment, vers la fin, nous nous sommes retrouvés hors du cercle des fêtards, Sawana et moi. Seuls, à l'écart, le dos collé à la rambarde de sécurité de la terrasse, à 35 étages au-dessus du trottoir. J'étais venu me planquer là parce que j'en avais marre que les bonnes femmes m'ébouriffent les cheveux en me répétant que j'étais la réincarnation de Jack Kennedy et que j'allais faire bien des malheureuses dans quelques années. J'ai réalisé, trop tard, que la manœuvre m'avait rapproché de Sawana. Je n'ai pas osé modifier ma trajectoire de peur de la froisser. On est resté là, côte à côte, sans échanger un mot, pendant que les invités s'en allaient. Mon père avait oublié mon existence et s'était isolé quelque part dans les bureaux déserts, en compagnie de Josie, pour tirer son coup. Brusquement, j'ai compris que nous allions nous retrouver tout seuls, Sawana et moi, dans la nuit qui tombait. Les extras avaient éteint les lumières et desservaient à la va-vite sans nous prêter attention. J'étais pétrifiée, un hamster en face d'un serpent. Je crois que je n'oublierai jamais les yeux de cette cinglée, rivée sur moi. Je pense qu'elle était stone, chargée à mort. Tout à coup, elle m'a dit « Ce serait marrant, hein, si on se donnait la main et qu'on sautait dans le vide, toi et moi. Je suis sûre qu'on volerait. Ça ne te tente pas, petit ?» Tous les deux, hop, par-dessus la rambarde. Et elle a ri. Dans les films d'épouvante, les têtes des morts rigolent comme ça. Bon sang, j'ai cru que j'allais en pisser dans mon froc. J'étais tétanisée, hypnotisée, incapable de m'enfuir. Je savais que si elle me prenait la main, je n'aurais pas la force de me dégager. Elle avait l'air décidée à en finir. Sans doute que la vision de mon père, pelotant Josie Fredericks, avait allumé en elle des pulsions suicidaires de niveau 10. Comme elle ne pouvait pas flinguer le père, elle allait tuer le fils. Ce serait encore mieux, parce qu'encore pire. Elle a fait un pas dans ma direction. Merde, la gueule qu'elle avait, et ses yeux, Méduse, la gorgone. Vous imaginez? À l'instant où sa main se posait sur la mienne, un serveur latino a surgi de nulle part pour nous ordonner de déguerpir parce qu'il devait fermer l'accès à la terrasse. Il était énorme, baraqué comme un catcheur, Ça a rompu le charme. Je me suis enfuie en courant. Je crois sincèrement qu'il m'a sauvé la vie. Je n'ai plus jamais revu Sawana. Josie a disparu dans les semaines qui ont suivi. Durant son récit, Benjamin avait viré au blafard et des rigoles de sueur s'étaient mises à sinuer sur ses tempes. « Bordel !» a-t-il rugi. « Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je ferais mieux d'aller me coucher. Qu'est-ce que vous en avez à foutre après tout ?» Sans plus attendre, il a tourné les talons et m'a planté là, au milieu du salon. 10 secondes plus tard, je l'entendais marcher à l'étage du dessus. Ses talons claquaient avec fureur. Le petit monsieur digérait mal de s'être montré vulnérable. Ses confidences m'avaient remué, mais j'ai décidé de ne pas les prendre au pied de la lettre. Après tout, il s'agissait de divagations enfantines sans réel fondement. De toute façon, il était temps que je me mette au boulot. J'ai donc attrapé mon pot de café et pris le chemin de la cave, ou plus exactement de l'abri anti-atomique. L'ancien bureau de Sawana était toujours aussi peu chaleureux, mais je m'y sentais davantage en sécurité que dans les autres pièces. J'ai refermé la lourde porte blindée sur moi et tourné le volant de verrouillage. C'était comme si je venais de m'enfermer dans un coffre-fort. Je me suis assise sur le lit étroit. Il était dur, recouvert d'une mince couverture estampillée US Army. Les placards d'archives me faisaient face. J'ai pris une grande inspiration et je me suis levée. D'une main qui se voulait ferme, j'ai ouvert le premier tiroir. Tout était remarquablement classé, étiqueté, contrat, correspondance avec les lecteurs, critique journalistique, relevé de royalties, déclaration à l'IRS. N'étant pas mandatée pour un audit financier, j'ai cherché le dossier illustrateur. 10 minutes plus tard, j'étais assise au bureau, feuilletant la correspondance que Sawana avait entretenue avec Anne Katz, ma mère. Il ne s'agissait pas à proprement parler de lettres, mais plutôt d'une accumulation de détails énumérant ce que l'illustration devait coûte que coûte représenter. Le ton employé laissait entendre que l'artiste était dans l'obligation d'obéir sans rechigner, et qu'aucune place ne serait accordée à sa vision personnelle du sujet. Qu'on en juge. La pièce, chambre d'hôtel luxueuse à l'européenne, un canapé blanc 3 places, lampe en cuivre, pied représentant une sirène. Sur la table basse, un cigare à demi fumé dans un cendrier d'albâtre. Un journal, avec en gros titre, un cadavre de femme repêchée, suite illisible, caché par un chapeau masculin style Fedora. Une femme en robe moulante, debout devant la cheminée, expression terrifiée. Blessure sanglante sur la joue droite d'environ 10 cm en forme de V. Elle regarde hors champ quelqu'un qu'on ne distingue pas, mais dont l'ombre menaçante se dessine sur le tapis. L'ombre, difforme, laisse supposer que son propriétaire a été amputé de 3 doigts à la main gauche. Auriculaire, 1 phalange. Annulaire, 2 phalanges. Index, 1 phalange. La scène, véritable logorée descriptive, exigeait des détails impossibles à reproduire sur la couverture trop exiguë d'un livre de poche, telle la bague affichant marque du cigare avec la devise du fabricant, ou encore un numéro de téléphone gribouillé dans la marge du journal. J'ai réalisé, avec 20 ans de retard, que ma mère, durant sa collaboration avec Sawana, avait été inondée de missives de cet acabit. Souvent, les peintures qu'elle envoyait à l'éditeur étaient refusées par la romancière bipolaire, qui s'empressait de réagir par une nouvelle lettre furibonde, dans laquelle elle s'estimait trahie et se reprochait d'avoir accordé sa confiance à une bonne à rien. Suivait une nouvelle accumulation de détails aberrants. Un bouton de manchette tombé sur le tapis. Ce bouton devait représenter un navire affrontant une mer démontée et affichant sur sa proue le mot « Salvation ». Par ailleurs, il était impératif, souligné 3 fois, que le capitaine, cramponné à la roue du gouvernail, soit borgne de l'œil gauche et porte au côté droit un sabre forgé à Tolède et sur la lame duquel figurait la devise des jésuites « Ipse veneda bibas ». C'est tout juste si ma mère ne se voyait pas ordonnée de peindre une bactérie unijambiste embusquée entre les poils du foutu tapis ou trois grains de poussière tapant un poker assis sur une épingle à cheveux. Ces textes cessèrent vite de m'amuser tant ils fleuraient la débâcle mentale. En examinant les réponses de ma mère, j'ai cru décrypter entre les lignes une angoisse larvée et je me suis demandé si elle n'avait pas fini par avoir peur de Sawana Warlock. Peur au point de ne pas oser mettre fin à leur collaboration. À l'époque, je n'en avais pas eu conscience. Jamais je ne m'étais douté que ma mère subissait le harcèlement d'une folle furieuse et j'en ai éprouvé une tardive bouffée de culpabilité. Plus j'avançais dans le dépouillement de la correspondance, plus il devenait évident que la raison de Sawana avait vacillé. Du reste, peut-être était-ce cette folie qui avait fait le succès de ses romans. N'en ayant jamais lu, il m'était difficile d'émettre un avis. Les 22 illustrations peintes par ma mère sur carton fort, format 60-70, se trouvaient rassemblées dans une caisse. En dépit des années, les couleurs ne s'étaient pas altérées, et j'ai, une fois encore, été émerveillée par leur aspect envoûtant. La profusion des détails minuscules les élevait au rang de miniatures exceptionnelles. Je les ai longuement regardées, de la première à la dernière, et j'ai soudain réalisé qu'il en manquait une. Celle de la femme au manteau de fourrure qu'un assassin, réduit à l'état de silhouette anonyme, étrangle avec un cordon rouge. J'ai recompté les cartons, il n'y en avait que 21. Pourquoi avoir censuré ce dessin plutôt qu'un autre? Les sourcils froncés, j'ai repris la correspondance, examinant les descriptions délirantes de Sawana. Aucune ne faisait allusion à la femme au manteau de fourrure. Bizarre, non? Une telle absence avait de quoi surprendre de la part d'une romancière dont la méticulosité confinait à l'obsession. Un craquement m'a fait sursauter. Cela provenait de derrière la porte blindée. Je me suis figé avec la certitude que quelqu'un se tenait embusqué de l'autre côté du battant. Qui? Lofson? Gary? Il m'a semblé qu'on essayait de manipuler le volant d'ouverture. Par bonheur, j'avais engagé le frein et l'acier a crissé en vain. C'est Benjamin, ai-je pensé. Ce connard essaie de me faire peur. Ou alors, il s'est dit que baiser dans un abri anti-atomique manquait à son palmarès. Je suis restée immobile, osant à peine respirer. Je me suis traitée d'idiote. Pourquoi étais-je si nerveuse? J'ai néanmoins décidé de ne pas remonter dans les étages. Après avoir remis les documents en place, je me suis allongée sur le petit lit de fer, Simona Kahle. Ici, au moins, je me sentais en sécurité.